Section 6 de Compilation de contes par Marie-Catherine d'Aulnoy. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Jehanne. Compilation de contes par Marie-Catherine d'Aulnoy. La chatte blanche. Il était une fois un roi qui avait trois fils, bien faits et courageux. Il eut peur que l'envie de régner ne leur prît avant sa mort. Il courait même certains bruits qu'il cherchait à s'acquérir des créatures et que c'était pour lui ôter son royaume. Le roi se sentait vieux, mais son esprit et sa capacité n'ayant point diminué, il n'avait pas envie de leur céder une place qu'il remplissait dignement. Il pensa donc que le meilleur moyen de vivre en repos, c'était de les amuser par des promesses dont il saurait toujours éluder les faits. Il les appela dans son cabinet et, après leur avoir parlé avec beaucoup de bonté, il ajouta « Vous conviendrez avec moi, mes chers enfants, que mon grand âge ne permet pas que je m'applique aux affaires de mon état avec autant de soin que je le faisais autrefois. Je crains que mes sujets n'en souffrent. Je veux mettre ma couronne sur la tête d'un de vous autres. Mais il est bien juste que, pour un tel présent, vous cherchiez les moyens de me plaire, dans le dessein que j'ai de me retirer à la campagne. Il me semble qu'un petit chien adroit, joli et fidèle, me tiendrait bonne compagnie. De sorte que, sans choisir mon fils aîné plutôt que mon cadet, je vous déclare que celui des trois qui m'apportera le plus beau petit chien sera aussitôt mon héritier. » Ces princes demeurèrent surpris de l'inclination de leur père pour un petit chien. Mais les deux cadets y pouvaient trouver leur compte, et ils acceptèrent avec plaisir la commission d'aller en chercher un. L'aîné était trop timide ou trop respectueux pour représenter ses droits. Ils prirent congé du roi. Il leur donna de l'argent et des pierreries, ajoutant que dans un an, sans y manquer, ils revinssent au même jour et à la même heure lui apporter leur petit chien. Avant de partir, ils allèrent dans un château qui n'était qu'à une lieue de la ville. Ils y menèrent leurs plus confidents et firent de grands festins, où les trois frères se promirent une amitié éternelle, qu'ils agiraient dans l'affaire en question sans jalousie et sans chagrin, et que le plus heureux ferait toujours part de sa fortune aux autres. Enfin ils partirent, réglant qu'ils se trouveraient, à leur retour, dans le même château, pour aller ensemble chez le roi. Ils ne voulurent être suivis de personne et changèrent leur nom pour n'être pas reconnus. Chacun prit une route différente. Les deux aînés eurent beaucoup d'aventures, mais je ne m'attache qu'à celle du cadet. Il était gracieux, il avait l'esprit gai et réjouissant, la tête admirable, la taille noble, les traits réguliers, de belles dents, beaucoup d'adresse dans tous les exercices qui conviennent à un prince. Il chantait agréablement, il touchait le luth et le théorbe avec une délicatesse qui charmait. Il savait peindre, en un mot, il était très accompli, et pour la valeur, cela allait jusqu'à l'intrépidité. Il n'y avait guère de jour qu'il n'achetât des chiens, de grands, de petits, des lévriers, des dogues, limiers, chiens de chasse, épagneuls, barbets, bichons. Dès qu'il en avait un beau et qu'il en trouvait un plus beau, il laissait aller le premier pour garder l'autre. Car il aurait été impossible qu'il eût mené tout seul 30 ou 40 000 chiens. Il ne voulait ni gentilshommes, ni valets de chambre, ni pages à sa suite. Il avançait toujours son chemin, n'ayant point déterminé jusqu'où il irait. Lorsqu'il fut surpris de la nuit, du tonnerre et de la pluie, dans une forêt dont il ne pouvait plus reconnaître les sentiers. Il prit le premier chemin, et après avoir marché longtemps, il aperçut un peu de lumière, ce qui lui persuada qu'il y avait quelques maisons proches, où il se mettrait à l'abri jusqu'au lendemain. Ainsi guidé par la lumière qu'il voyait, il arriva à la porte d'un château, le plus superbe qui se soit jamais imaginé. Cette porte était d'or, couverte d'escarboucles, dont la lumière vive et pure éclairait tous les environs. C'était elle que le prince avait vue de fort loin. Les murs étaient d'une porcelaine transparente, mêlée de plusieurs couleurs qui représentaient l'histoire de toutes les fées, depuis la création du monde jusqu'alors. Les fameuses aventures de Peau d'Âne, de Finette, de l'Oranger, de Gracieuse, de la Belle au bois dormant, du Serpentin vert et de cent autres n'y étaient pas oubliées. Il fut charmé d'y reconnaître le prince Lutin, car c'était son oncle à la mode de Bretagne. La pluie et le mauvais temps l'empêchèrent de s'arrêter davantage dans un lieu où il se mouillait jusqu'aux os, outre qu'il ne voyait point du tout aux endroits où la lumière des escarboucles ne pouvait s'étendre. Il revint à la porte d'or. Il vit un pied de chevreuil attaché à une chaîne toute de diamants. Il admira cette magnificence et la sécurité avec laquelle on vivait dans le château, car enfin, disait-il, qui empêche les voleurs de venir couper cette chaîne et d'arracher les escarboucles? Il se ferait riche pour toujours, il tira le pied de chevreuil, et aussitôt il entendit sonner une cloche qui lui parut d'or ou d'argent par le son qu'elle rendait. Au bout d'un moment, la porte fut ouverte, sans qu'il aperçût autre chose qu'une douzaine de mains en l'air qui tenaient chacune un flambeau. Il demeura si surpris qu'il hésitait à s'avancer quand il sentit d'autres mains qui le poussaient par derrière avec assez de violence. Il marcha donc, fort inquiet, et, à tout hasard, il porta la main sur la garde de son épée. Mais, entrant dans un vestibule tout incrusté de porphyre et de lapis, il entendit deux voix ravissantes qui chantèrent ces paroles. « Des mains que vous voyez, ne prenez point d'ombrage, et ne craignez, en ce séjour, que les charmes d'un beau visage, si votre cœur veut fuir l'amour. » Il ne put croire qu'on l'invitât de si bonne grâce pour lui faire ensuite du mal, de sorte que, se sentant poussé vers une grande porte de corail qui s'ouvrit dès qu'il s'en fut approché, il entra dans un salon de nacre et de perles, et ensuite dans plusieurs chambres ornées différemment et si riches par les peintures et les pierreries qu'il en était comme enchanté. Mille et mille lumières, attachées depuis la voûte du salon jusqu'en bas, éclairaient une partie des autres appartements qui ne laissaient pas d'être remplis de lustres, de girandoles et de gradins couverts de bougies. Enfin, la magnificence était telle qu'il n'était pas aisé de croire que ce fût une chose possible. Après avoir passé dans 60 chambres, les mains qui le conduisaient l'arrêtèrent. Il vit un grand fauteuil de commodité qui s'approcha tout seul de la cheminée. En même temps, le feu s'alluma, et les mains, qui lui semblaient fort belles, blanches, petites, grassettes et bien proportionnées, le déshabillèrent, car il était mouillé, comme je l'ai déjà dit, et l'on avait peur qu'il ne s'enrhumât. On lui présenta, sans qu'il vît personne, une chemise aussi belle que pour un jour de noces, avec une robe de chambre d'une étoffe glacée d'or, brodée de petites émeraudes qui formaient des chiffres. Les mains sans corps approchèrent de lui une table sur laquelle sa toilette fut mise. Rien n'était plus magnifique. Elles le peignèrent avec une légèreté et une adresse dont il fut fort content. Ensuite, on le rhabilla, mais ce ne fut pas avec ses habits. On lui en apporta de beaucoup plus riches. Il admirait silencieusement tout ce qui se passait, et quelquefois, il lui prenait de petits mouvements de frayeur dont il n'était pas tout à fait le maître. Après qu'on l'eût poudré, frisé, parfumé, paré, ajusté et rendu plus beau qu'Adonis, les mains le conduisirent dans une salle superbe par ses dorures et ses meubles. On voyait autour l'histoire des plus fameux chats, Rodilardus, pendu par les pieds au conseil des rats, Chaboté, marquis de Carabas, le chat qui écrit, la chatte devenue femme, les sorciers devenus chats, le sabbat et toutes ces cérémonies. Enfin, rien n'était plus singulier que ces tableaux. Le couvert était mis. Il y en avait deux, chacun garni de son cadenas d'or. Le buffet surprenait par la quantité de vases de cristal de roche et de mille pierres rares. Le prince ne savait pour qui ces deux couverts étaient mis lorsqu'il vit des chats qui se placèrent dans un petit orchestre ménagé exprès. L'un tenait un livre avec des notes les plus extraordinaires du monde, l'autre un rouleau de papier dont il battait la mesure, et les autres avaient de petites guitares. Tout à coup, chacun d'eux se mit à miauler sur différents tons et à gratter les cordes des guitares avec leurs ongles. C'était la plus étrange musique que l'on ait jamais entendue. Le prince se serait cru en enfer s'il n'avait pas trouvé ce palais trop merveilleux pour donner dans une pensée si peu vraisemblable. Mais il se bouchait les oreilles et riait de toute sa force de voir les différentes postures et les grimaces de ces nouveaux musiciens. Il rêvait aux différentes choses qui lui étaient déjà arrivées dans ce château, lorsqu'il vit entrer une petite figure qui n'avait pas une coudée de haut. Cette bamboche se couvrait d'un long voile de crêpe noire. Deux chats la menaient, ils étaient vêtus de deuil, en manteau et l'épée au côté. Un nombreux cortège de chats venait après. Les uns portaient des ratières pleines de rats, et les autres des souris dans des cages. Le prince ne sortait point d'étonnement, il ne savait que penser. La figure noire s'approcha, et levant son voile, il aperçut la plus belle petite chatte blanche qui ait jamais été et qui sera jamais. Elle avait l'air fort jeune et fort triste. Elle se mit à faire un miauli si doux et si charmant qu'il allait droit au cœur. Elle dit au prince, « Fils de roi, sois le bienvenu. Ma miaularde majesté te voit avec plaisir. » « Madame la chatte, dit le prince, vous êtes bien généreuse de me recevoir avec tant d'accueil, mais vous ne me paraissez pas une bestiole ordinaire. Le don que vous avez de la parole et le superbe château que vous possédez en sont des preuves assez évidentes. Fils de roi, reprit Chatteblanche, je te prie, cesse de me faire des compliments. Je suis simple dans mes discours et dans mes manières, mais j'ai un bon cœur. Allons, continua-t-elle, que l'on serve et que les musiciens se taisent, car le prince n'entend pas ce qu'ils disent. Et disent-ils quelque chose, madame ? Reprit-il. Sans doute, continua-t-elle, nous avons ici des poètes qui ont infiniment d'esprit, et si vous restez un peu parmi nous, vous aurez lieu d'en être convaincu. Il ne faut que vous entendre pour le croire, dit galamment le prince. Mais aussi, madame, je vous regarde comme une chatte fort rare. L'on apporta le souper. Les mains, dont les corps étaient invisibles, servaient. L'on mit d'abord sur la table deux bisques, l'une de pigeonneau et l'autre de souris, fort grasses. La vue de l'une empêcha le prince de manger de l'autre, se figurant que le même cuisinier les avait accommodées. Mais la petite chatte, qui devina par la mine qu'il faisait ce qu'il avait dans l'esprit, l'assura que sa cuisine était à part et qu'il pouvait manger de ce qu'on lui présenterait, avec certitude, qu'il n'y aurait ni rat ni souris. Le prince ne se le fit pas dire deux fois, croyant bien que la belle petite chatte ne voudrait le tromper. Il remarqua qu'elle avait à sa patte un portrait fait en table. Cela le surprit. Il la pria de le lui montrer, croyant que c'était maître Minagrobis. Il fut bien étonné de voir un jeune homme si beau qu'il était à peine croyable que la nature en pût former un tel, et qui lui ressemblait si fort qu'on aurait pu le peindre mieux. Elle soupira, et devenant encore plus triste, elle garda un profond silence. Le prince vit bien qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire là-dessous. Cependant, il n'osa s'en informer, de peur de déplaire à la chatte ou de la chagriner. Il entretint de toutes les nouvelles qu'il savait, et il la trouva fort instruite des différents intérêts des princes et des autres choses qui se passaient dans le monde. Après le souper, Chatte Blanche convia son hôte d'entrer dans un salon où il y avait un théâtre, sur lequel 12 chats et 12 singes dansèrent un ballet. Les uns étaient vêtus en mort et les autres en chinois. Il est aisé de juger des sauts et des cabrioles qu'ils faisaient, et de temps en temps, ils se donnaient des coups de griffe. C'est ainsi que la soirée finit. Chatte Blanche donna le bonsoir à son hôte. Les mains qui l'avaient conduit jusque-là le reprirent et le menèrent dans un appartement tout opposé à celui qu'il avait vu. Il était moins magnifique que galant. Tout était tapissé d'ailes de papillons, dont les diverses couleurs formaient 1000 fleurs différentes. Il y avait aussi des plumes d'oiseaux très rares, et qui n'ont peut-être jamais été vues que dans ce lieu-là. Les lits étaient de gaze, rattachés par 1000 nœuds de ruban. C'était de grande glace, depuis le plafond jusqu'au parquet, et les bordures d'or ciselé représentaient 1000 petits amours. Le prince se coucha sans dire mot, car il n'y avait pas moyen de faire conversation avec les mains qui le servaient. Il dormit peu et fut réveillé par un bruit confus. Les mains aussitôt le tirèrent de son lit et lui mirent un habit de chasse. Il regarda dans la cour du château. Il aperçut plus de 500 chats, dont les uns menaient des lévriers en laisse, les autres sonnaient du cor. C'était une grande fête. Chatte Blanche allait à la chasse. Elle voulait que le prince y vînt. Les officieuses mains lui présentèrent un cheval de bois qui courait à toute bride et qui allait le pas à merveille. Il fit quelques difficultés d'y monter, disant qu'il s'en fallait beaucoup qu'il ne fût chevalier errant comme Don Quichotte. Mais sa résistance ne servit de rien, on le planta sur le cheval de bois. Il avait une housse et une selle en broderie d'or et de diamants. Chatte Blanche montait un singe, le plus beau et le plus superbe qui se soit encore vu. Elle avait quitté son grand voile et portait un bonnet à la dragonne qui lui donnait un petit air si résolu que toutes les souris du voisinage en avaient peur. Il ne s'est jamais fait une chasse plus agréable. Les chats couraient plus vite que les lapins et les lièvres, de sorte que, lorsqu'ils en prenaient, Chatte Blanche faisait faire la curée devant elle. Et il s'y passait 1000 tours d'adresse très réjouissants. Les oiseaux n'étaient pas de leur côté trop en sûreté, car les chatons grimpaient aux arbres, et le maître singe portait Chatte Blanche jusque dans le nid des aigles, pour disposer à sa volonté des petites altesses aiglonnes. La chasse étant finie, elle prit un cor qui était long comme le doigt, mais qui rendait un son si clair et si haut qu'on l'entendait aisément de 10 lieues. Dès qu'elle eut sonné 2 ou 3 fanfares, elle fut environnée de tous les chats du pays. Les uns paraissaient en l'air, montés sur des chariots, les autres dans des barques, abordaient par eau. Enfin, ils ne s'en étaient jamais tant vus. Ils étaient presque tous habillés de différentes manières. Elle retourna au château avec ce pompeux cortège et pria le prince d'y venir. Il le voulut bien, quoiqu'il lui semblât que tant de chatonnerie tenait un peu du sabbat et du sorcier, et que la chatte parlante l'étonna plus que tout le reste. Dès qu'elle fut rentrée chez elle, on lui mit un grand voile. Elle soupa avec le prince, il avait faim, et mangea de bon appétit. L'on apporta des liqueurs, dont il but avec plaisir, et sur le champ, elles lui ôtèrent le souvenir du petit chien qu'il devait porter au roi. Il ne pensa plus qu'à miauler avec Chatte Blanche, c'est-à-dire à lui tenir bonne et fidèle compagnie. Il passait les jours en fêtes agréables, tantôt à la pêche ou à la chasse, puis l'on faisait des balais, des carousels et mille autres choses où il se divertissait très bien. Souvent même la belle chatte composait des vers et des chansonnettes d'un style si passionné qu'il semblait qu'elle avait le cœur tendre et que l'on ne pouvait parler comme elle faisait sans aimer. Mais son secrétaire, qui était un vieux chat, écrivait si mal qu'encore que ses ouvrages aient été conservés, il est impossible de les lire. Le prince avait oublié jusqu'à son pays. Les mains dont j'ai parlé continuaient de le servir. Il regrettait quelquefois de n'être pas chat pour passer sa vie dans cette bonne compagnie. « Hélas, disait-il à Chatte Blanche, que j'aurai de douleur de vous quitter. Je vous aime si chèrement. Ou devenez fille, ou rendez-moi chat. » Elle trouvait son souhait fort plaisant et ne lui faisait que des réponses obscures où il ne comprenait presque rien. Une année s'écoule bien vite quand on n'a ni soucis, ni peine, qu'on se réjouit et qu'on se porte bien. Chatte Blanche savait le temps où il devait retourner, et comme il n'y pensait plus, elle l'en fit souvenir. « Sais-tu, dit-elle, que tu n'as que 3 jours pour chercher le petit chien que le roi ton père souhaite et que tes frères en ont trouvé de fort beaux ?» Le prince revint à lui et s'étonnant de sa négligence, « Par quel charme secret, s'écria-t-il, ai-je oublié la chose du monde qui m'est la plus importante ? Il y va de ma gloire et de ma fortune. Où prendrais-je un chien tel qu'il le faut pour gagner le royaume, et un cheval assez diligent pour faire tant de chemin ?» Il commença de s'inquiéter et s'affligea beaucoup. Chatte Blanche lui dit, en s'adoucissant, « Fils de roi, ne te chagrine point, je suis de tes amis, tu peux rester encore ici un jour, et quoi qu'il y en ait 500 lieues d'ici à ton pays, le bon cheval de bois t'y portera en moins de 12 heures. »« Je vous remercie, belle chatte, dit le prince, mais il ne me suffit pas de retourner vers mon père, il faut que je lui porte un petit chien. « Tiens, lui dit Chatte Blanche, voici un gland, où il y en a un plus beau que la canicule. » « Oh ! Dit le prince, Madame la chatte, votre majesté se moque de moi. Approche le gland de ton oreille, continua-t-elle, et tu l'entendras japper. » Il obéit. Aussitôt le petit chien fit « jap, jap », dont le prince demeura transporté de joie. Car tel chien, qui tient dans un gland, doit être fort petit. Il voulait l'ouvrir tant il avait envie de le voir. Mais Chatte Blanche lui dit qu'il pourrait avoir froid par les chemins, et qu'il valait mieux attendre qu'il fût devant le roi, son père. Il la remercia 1000 fois et lui dit un adieu très tendre. « Je vous assure, ajouta-t-il, que les jours m'ont paru si courts avec vous que je regrette en quelque façon de vous laisser ici. Et quoique vous y soyez souveraine et que tous les chats qui vous font leur cour aient plus d'esprit et de galanterie que les nôtres, je ne laisse pas de vous convier de venir avec moi. » La chatte ne répondit à cette proposition que par un profond soupir. Ils se quittèrent. Le prince arriva le premier au château où le rendez-vous avait été réglé avec ses frères. Ils s'y rendirent peu après et demeurèrent surpris de voir dans la cour un cheval de bois qui sautait mieux que tous ceux que l'on a dans les académies. Le prince vint au-devant d'eux, ils s'embrassèrent plusieurs fois et se rendirent compte de leur voyage. Mais notre prince déguisa à ses frères la vérité de ses aventures et leur montra un méchant chien qui servait à tourner la broche, disant qu'il l'avait trouvé si joli que c'était celui qu'il apportait au roi. Quelque amitié qui fût entre eux, les deux aînés sentirent une secrète joie du mauvais choix de leur cadet. Ils étaient à table et se marchaient sur le pied, comme pour se dire qu'ils n'avaient rien à craindre de ce côté-là. Le lendemain, ils partirent ensemble dans un même carrosse. Les deux fils aînés du roi avaient de petits chiens dans des paniers, si beaux et si délicats que l'on osait à peine les toucher. Le cadet portait le pauvre tournebroche, qui était si crotté que personne ne voulait le souffrir. Lorsqu'ils furent dans le palais, chacun les environna pour leur souhaiter la bienvenue. Ils entrèrent dans l'appartement du roi, ils ne savaient en faveur duquel décider, car les petits chiens qui lui étaient présentés par ses aînés étaient presque d'une égale beauté. Ils se disputaient déjà l'avantage de la succession, lorsque leur cadet les mit d'accord en tirant de sa poche le gland que Chatte Blanche lui avait donné. Il l'ouvrit promptement, puis chacun vit un petit chien couché sur du coton. Il passait au milieu d'une bague, sans y toucher. Le prince le mit par terre. Aussitôt, il commença de danser la sarabande avec des castagnettes, aussi légèrement que la plus célèbre espagnole. Il était de mille couleurs différentes, ses soies et ses oreilles traînaient par terre. Le roi demeura fort confus, car il était impossible de trouver rien à redire à la beauté du toutou. Cependant, il n'avait aucune envie de se défaire de sa couronne. Le plus petit fleuron lui était plus cher que tous les chiens de l'univers. Il dit donc à ses enfants qu'il était satisfait de leur peine, mais qu'ils avaient si bien réussi dans la première chose qu'il avait souhaité d'eux, qu'il voulait encore éprouver leur habileté avant de tenir parole. Qu'ainsi, il leur donnait un nom à chercher par mer et par terre, une pièce de toile si fine qu'elle passa par le trou d'une aiguille à fer du point de Venise. Ils demeurèrent tous trois très affligés d'être en obligation de retourner à une nouvelle quête. Les deux princes, dont le chien était moins beau que celui de leur cadet, y consentirent. Chacun partit de son côté, sans se faire autant d'amitié que la première fois, car le tournebroche les avait un peu refroidis. Notre prince reprit son cheval de bois, et sans vouloir chercher d'autres secours que ceux qu'il pourrait espérer de l'amitié de Chatte-Blanche, il partit en toute diligence et retourna au château où elle l'avait si bien reçu. Il en trouva toutes les portes ouvertes. Les fenêtres, les toits, les tours et les murs étaient bien éclairés de 100 000 lampes qui faisaient un effet merveilleux. Les mains qui l'avaient si bien servi s'avancèrent au-devant de lui, prirent la bride de l'excellent cheval de bois qu'elles menèrent à l'écurie, pendant que le prince entra dans la chambre de Chatte-Blanche. Elle était couchée dans une petite corbeille sur un matelas de satin blanc, très propre. Elle avait des cornettes négligées et paraissait abattue. Mais quand elle aperçut le prince, elle fit 1000 sauts et autant de gambades pour lui témoigner la joie qu'elle avait. « Quelque sujet que j'eusse, lui dit-elle, d'espérer ton retour, je t'avoue, fils de roi, que je n'osais m'en flatter, et je suis ordinairement si malheureuse dans les choses que je souhaite que celle-ci me surprend. » Le prince reconnaissant lui fit 1000 caresses. Il lui conta le succès de son voyage, qu'elle savait peut-être mieux que lui, et que le roi voulait une pièce de toile qui pût passer par le trou d'une aiguille. Qu'à la vérité, il croyait la chose impossible, mais qu'il n'avait pas laissé de la tenter, se promettant tout de son amitié et de son secours. Chatte-Blanche, prenant un air plus sérieux, lui dit que c'était une affaire à laquelle il fallait penser, que par bonheur elle avait dans son château des chattes qui filaient fort bien, qu'elle-même y mettrait la griffe et qu'elle avancerait cette besogne, qu'ainsi il pouvait demeurer tranquille sans aller bien loin chercher ce qu'il trouverait plus aisément chez elle qu'en aucun lieu du monde. Les mains parurent, elle portait des flambeaux, et le prince, les suivant avec Chatte-Blanche, entra dans une magnifique galerie qui régnait le long d'une grande rivière sur laquelle on tira un feu d'artifice surprenant. L'on y devait brûler 4 chats, dont le procès était fait dans toutes les formes. Ils étaient accusés d'avoir mangé le rôti du souper de Chatte-Blanche, son fromage, son lait, d'avoir même conspiré contre sa personne avec Bartafax et l'ermite, fameux rat de la contrée, et tenu pour tel par La Fontaine, auteur très véridique. Mais, avec tout cela, l'on savait qu'il y avait beaucoup de cabale dans cette affaire, et que la plupart des témoins étaient subornés. Quoi qu'il en soit, le prince obtint leur grâce. Le feu d'artifice ne fit mal à personne et l'on n'a encore jamais vu de si belles fusées. L'on servit ensuite un médianoche très propre qui causa plus de plaisir au prince que le feu car il avait grand faim et son cheval de bois l'avait mené si vite qu'il n'a jamais été de diligence pareille. Les jours suivants se passèrent comme ceux qui les avaient précédés avec 1000 fêtes différentes dont l'ingénieuse Chatte-Blanche régalait son hôte. C'est peut-être le premier mortel qui se soit si bien diverti avec des chats sans avoir d'autre compagnie. Il est vrai que Chatte-Blanche avait l'esprit agréable, liant et presque universel. Elle était plus savante qu'il n'est permis à une chatte de l'être. Le prince s'en étonnait quelquefois. « Non, lui disait-il, ce n'est point une chose naturelle que tout ce que je remarque de merveilleuse en vous. Si vous m'aimez, charmante Minette, apprenez-moi par quel prodige vous pensez et vous parlez si juste qu'on pourrait vous recevoir dans les académies fameuses des plus beaux esprits. »« Cesse tes questions, fils de roi, lui disait-elle, et ne m'est pas permis d'y répondre, et tu peux pousser tes conjectures aussi loin que tu voudras sans que je m'y oppose. » Qu'il te suffise que j'ai toujours pour toi patte de velours, et que je m'intéresse tendrement dans tout ce qui te regarde. » Insensiblement, cette seconde année s'écoula comme la première. Le prince ne souhaitait guère de choses que les mains diligentes ne lui apportassent sur le champ, soit des livres, des pierreries, des tableaux, des médailles antiques, Enfin, il n'avait qu'à dire « Je veux un tel bijou qui est dans le cabinet du Mogol ou du roi de Perse, telle statue de Corinthe ou de Grèce ». Il voyait aussitôt devant lui ce qu'il désirait, sans savoir ni qui l'avait apporté, ni d'où il venait. Cela ne laisse pas d'avoir ses agréments, et pour se délasser, l'on est quelquefois bien aise de se voir maître des plus beaux trésors de la terre. Chatte Blanche, qui veillait toujours aux intérêts du prince, l'avertit que le temps de son départ approchait, qu'il pouvait se tranquilliser sur la pièce de toile qu'il désirait et qu'elle lui en avait fait une merveilleuse. Elle ajouta qu'elle voulait cette fois-ci lui donner un équipage digne de sa naissance, et sans attendre sa réponse, elle l'obligea de regarder dans la grande cour du château. Il y avait une calèche découverte, d'or émaillé de couleurs de feu, avec 1000 devises galantes qui satisfaisaient autant l'esprit que les yeux. 12 chevaux, blancs comme la neige, attachés 4 à 4 de front, la traînaient chargée de harnais de velours couleur de feu, en broderie de diamants et garnis de plaques d'or. La doublure de la calèche était pareille, et 100 carrosses à 8 chevaux, tous remplis de seigneurs de grande apparence, très superbement vêtus, suivaient cette calèche. Elle était encore accompagnée par 1000 gardes du corps, dont les habits étaient si couverts de broderies que l'on n'apercevait point l'étoffe. Ce qui était singulier, c'est qu'on voyait partout le portrait de Chatte Blanche, soit dans les devises de la calèche, ou sur les habits des gardes du corps, ou attachés avec un ruban au juste au corps de ceux qui faisaient le cortège, comme un ordre nouveau dont elle les avait honorés. « Va, dit-elle au prince, va paraître à la cour du roi ton père, d'une manière si somptueuse que tes airs magnifiques servent à lui imposer, afin qu'il ne te refuse plus la couronne que tu mérites. Voilà une noix. Garde-toi de ne la casser qu'en sa présence. Tu y trouveras la pièce de toile que tu m'as demandée. » « Aimable Blanchette, lui dit-il, je vous avoue que je suis pénétré de vos bontés, que si vous y vouliez consentir, je préférerais de passer ma vie avec vous à toutes les grandeurs que j'ai lieu de me promettre ailleurs. Fils de roi, répliqua-t-elle, je suis persuadée de la bonté de ton cœur. C'est une marchandise rare parmi les princes. Ils veulent être aimés de tout le monde et ne veulent rien aimer. Mais tu montres assez que la règle générale a son exception. Je te tiens compte de l'attachement que tu témoignes pour une petite chatte blanche, qui dans le fond n'est propre à rien qu'à prendre des souris. » Le prince lui baisa la patte et partit. L'on aurait de la peine à croire la diligence qu'il fit si l'on ne savait déjà de quelle manière le cheval de bois l'avait porté en moins de 2 jours, à plus de 500 lieues du château, de sorte que le même pouvoir qui anima celui-là pressa si fort les autres qu'ils ne restèrent que 24 heures sur le chemin. Ils ne s'arrêtèrent en aucun endroit jusqu'à ce qu'ils fussent arrivés chez le roi, où les 2 frères aînés du prince s'étaient déjà rendus, de sorte que, ne voyant point paraître leur cadet, ils s'applaudissaient de sa négligence, et se disaient tout bas l'un à l'autre « Voilà qui est bien heureux, il est mort ou malade, il ne sera point notre rival dans l'affaire importante qui va se traiter. » Aussitôt, ils déployèrent leur toile, qui, à la vérité, était si fine qu'elle passait dans le trou d'une grosse aiguille, mais pour passer dans une petite, cela ne se pouvait. Et le roi, très aise de ce prétexte de dispute, leur montra l'aiguille qu'il avait proposée, et que les magistrats, par son ordre, apportèrent du trésor de la ville où elle avait été soigneusement enfermée. Il y avait beaucoup de murmures sur cette dispute. Les amis des princes, et particulièrement ceux de l'aîné, car c'était sa toile qui était la plus belle, disaient que c'était là une franche chicane, où il entrait beaucoup d'adresse et de normanisme. Les créatures du roi soutenaient qu'il n'était point obligé de tenir des conditions qu'il n'avait pas proposées. Enfin, pour les mettre tous d'accord, l'on entendit un bruit charmant de trompettes, de timbales et de hautbois. C'était notre prince qui arrivait en pompeux appareil. Le roi et ses 2 fils demeurèrent aussi étonnés les uns que les autres d'une si grande magnificence. Après qu'il eut salué respectueusement son père, embrassé ses frères, il tira d'une boîte couverte de rubis la noix qu'il cassa. Il croyait y trouver la pièce de toile tant vantée. Mais il y avait au lieu une noisette. Il la cassa encore et demeura surpris de voir un noyau de cerise. Chacun se regardait. Le roi riait tout doucement et se moquait que son fils eût été assez crédule pour croire apporter dans une noix une pièce de toile. Mais pourquoi ne l'aurait-il pas cru, puisqu'il avait déjà donné un petit chien qui tenait dans un gland? Il cassa donc le noyau de cerise qui était rempli de son amande. Alors il s'éleva un grand bruit dans la chambre,